Au bruit du cheval de Jacques, son maître se réveilla, et son premier mot fut « Arrive, arrive, Marouf, je te vais !» Là, il se mit à bâiller d'une aune. « Bâillez, bâillez, monsieur, tout à votre aise !» lui dit Jacques. « Mais où est votre cheval ?»« Mon cheval ?»« Oui, votre cheval !» Le maître s'apercevant aussitôt qu'on lui avait volé son cheval, se disposait à tomber sur Jacques à grands coups de bride, lorsque Jacques lui dit « Tout doux, monsieur, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui à me laisser assommer. Je recevrai le premier coup, mais je jure qu'au second, je pique des nœuds et vous laissez là. » Cette menace de Jacques fit tomber subitement la fureur de son maître, qui lui dit d'un ton radouci « Et ma montre ?»« La voilà. » »« Et ta bourse ?»« La voilà. » »« Tu as été bien longtemps. » »« Pas trop, pour tout ce que j'ai fait. » »« Écoutez bien, je suis allé, je me suis battu, j'ai ameuté tous les paysans de la campagne, j'ai ameuté tous les habitants de la ville, j'ai été pris pour voleur de grand chemin, j'ai été conduit chez le juge, j'ai subi deux interrogatoires, j'ai presque fait pendre deux hommes, j'ai fait mettre à la porte un valet, j'ai fait chasser une servante, j'ai été convaincu d'avoir couché avec une créature que je n'ai jamais vue et que j'ai pourtant payée. Et je suis revenu. Et moi, en t'attendant ? En m'attendant, il était écrit là-haut que vous endormiriez et qu'on vous volerait votre cheval. Eh bien, monsieur, n'y pensons plus. C'est un cheval perdu. Et peut-être est-il écrit là-haut qu'il se retrouvera. Mon cheval, mon pauvre cheval. Quand vous continuerez vos lamentations jusqu'à demain, il n'en sera ni plus ni moins. Qu'allons-nous faire ? Je vais vous prendre en croupe, ou, si vous l'aimez mieux, nous quitterons nos bottes, nous les attacherons sur la selle de mon cheval, et nous poursuivrons notre route à pied. Mon cheval, mon pauvre cheval. Ils prirent le parti d'aller à pied, le maître s'écriant de temps en temps, mon cheval, mon pauvre cheval, et Jacques, paraphrasant, l'abrégé de ses aventures. Lorsqu'il en fut à l'accusation de la fille, son maître lui dit, « Vrai, Jacques, tu n'avais pas couché avec cette fille ?»« Non, monsieur. » « Et tu l'as payée ?»« Assurément. » Je fus une fois en ma vie plus malheureux que toi. Vous payâtes après avoir couché, tu l'as dit. Et est-ce que vous ne raconterez pas cela? Avant que d'entrer dans l'histoire de mes amours, il faut être sorti de l'histoire des tiennes. Eh bien, Jacques, et tes amours, que je prendrai pour les premières et les seules de ta vie, nonobstant l'aventure de la servante du lieutenant général de police. Car, quand tu aurais couché avec elle, tu n'aurais pas été amoureux pour cela. Tous les jours, on couche avec des femmes qu'on n'aime pas, et on ne couche pas avec des femmes qu'on aime.